Mathias, un gars plein aux as. Et celle d'Angelo, qui cherchait du boulot. Un entretien fixé pour un poste mal payé. Il avait besoin d'argent pour faire vivre ses enfants. Tout le monde, tchou! À ma table, mais en attendant, peut-être qu'il est compétent. Un emploi à venir qui changera mon avenir. J'espère que ce coup-ci, je vais pouvoir être ami. Oui. Angelo en a chié à trouver du taf. Il pensait abandonner après cette prise en de bas. Mathias n'a rien senti, il était à l'abri. Le monde est si beau dans les allées de son château. L'égalité n'est pas qu'un mot. Pas pour nous. Dans ce monde où l'apparence y est pour beaucoup, dans la réussite ou le succès, on peut tous devenir potes, la preuve. On vous raconte la suite de l'histoire de Mathias. Chino! J'ai lu votre CV, vous avez du vécu. J'ai beaucoup trimé pour pas vivre dans la rue. Je suis assez étonné d'entendre cela. Pourtant, je suis pas le premier à surmonter ça. Quelle bonne satisfaction de ne pas être pris pour un con.